enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénaldienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bainfumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Je suis là que pour toi. Tu me crois, tu me crois. Martha, te marre pas. J'ai succombé, j'ai pas su combien je t'aimais. Mais je caresse l'espoir qu'un soir tu me prennes la main et que tu me ramènes sur le monde aérien. Me faire voir les galaxies, me faire écouter les comètes en tête à tête. Toi, je ne suis là que pour toi. C'est pas le fruit d'une mère réflexion, mais plutôt une pulsion. Sans nom, sans définition. Toi, je ne suis là que pour toi. Parmi la foule de mes déraisons, mon unique solution. Pure laine, coton. Oublie les bergères, oublie mes cavalières, mes arroseuses arrosées, mes routes secondaires, l'air glacé. Martin, à la seconde où je t'ai vu, tu m'as eu, tu m'as ému jusqu'à la glu. Martin, tu me crois? Toi, je ne suis là que pour toi. C'est pas le fruit de mes réflexions, mais plutôt une pulsion. Sans nom, sans définition. Toi, je ne suis là que pour toi. Je ne suis là que pour toi. En feu. Bienvenue à Errance Rénaldienne. C'était un inédit d'Alain Bashung, extrait d'un triple album qui recouvre un disque de Bashung qui s'intitule. Alors, c'était un inédit. Ah non. Oui, madame. Ah non. Oui, monsieur. Ah non. Oui, petit enfant. Ah non. Bienvenue à l'autodestruction. d'un individu citoyen. Je paye des taxes, moi. Un citoyen. Moins que moyen. Lorsque tu vas apprendre qu'ils sont partis avec tes femmes, ton moral et ta santé, là, tu pleureras. Lâcher son flou sous une risibilité réduite, c'est comme rire devant un miroir qui ne reflète pas. Non, c'est pas qu'il ne reflète, madame. Déclamer. Ah non? Oui, c'est pas tout à fait la réalité. Léchons les chachons, léchons les garçons avec les filles et les filles chercher les garçons. Chaque torchon trouve sa guenille, chaque guenille trouve son torchon. Ça, c'est intelligent de dire des phrases comme ça, hein? Comparer du monde à des torchons. Ça me rappelle. Mon enfance. Quand ma mère me disait, oh, je vais torcher, hein? On torche. On lave pas, on torche. Ça veut dire qu'on fait coin rond. On va le faire parce qu'il faut le faire, c'est vendredi. Là. On prend la savonnette puis on torche. On y va rapidement. Pour pouvoir se dire, ben, j'ai fait ménage, hein? Comment ça, mon épouse? Ben oui, j'ai torché toute la journée, moi, là. J'ai fait 3 lavages. Ben oui, mais c'est qui fait le lavage? Pas toi, c'est la laveuse qui fait le lavage. Ben oui, mais j'ai quand même mis le lavage, le linge dans la laveuse. J'ai pressé sur lavage lent et pénible. Parce que je savais que lorsque j'allais sortir, toute cette humidité qui me donne des rhumatismes, mon petit chéri d'amour, ça donne des rhumatismes, ces affaires-là. Je rentre du linge souillé. Pas sale, souillé, c'est pire, hein? Il y a des gradations, là. Par exemple, tu prends ta douche, tu prends la serviette, tu t'essuies. Bah. C'est pas sale, c'est pas souillé. C'est l'intermédiaire. Tu l'échappes par terre. Tu glisses, tu saignes sur ta serviette. Là, t'es plus capable de te lever, t'as mal au cœur, ta serviette. Là, c'est souillé. Là, quand même, c'est souillé, c'est même dégueulasse. Puis, il faut mettre ça dans la laveuse. Et rapidement, pas que ça sèche. Parce que si ça sèche, c'est terminé. C'est que de l'argent. Donc, il faut mettre ça dans la laveuse illico. Donc, si t'es pas capable de te lever, tu rentres jusqu'à la laveuse. Si tu meurs, c'est pas grave, au moins, ta serviette va être propre. Non, mais ils vont pouvoir te recouvrir avec. Ils vont pas en abîmer une autre, là. Voyons donc, es-tu le premier ministre des États-Unis, toi? Hein? Non. OK. Ah, t'es pas le premier ministre de Carlo Bruni? Bon. Reste sage et torche-toi. petit bambino, comme chantait Baliba. Ah, lui, petit bambino, toi qui sais ça, mais nous c'est ma saison. Ah, tout petit, mon petit bambino, il était tellement petit, son bambino, là, qu'elle le mettait dans sa poche. Là, elle disait à ses copines, hey, j'ai un enfant, ben voyons donc, jamais, ben oui, regarde, là. Elle met la main dans sa poche, regarde, là. Le petit bambino, elle faisait son argent avec ça. Ah, c'est devenu une bête de cirque. C'était la plus grosse poupoune. Là, il y avait la plus grosse poupoune et il y avait le plus petit bambino. Elle chantait avec ça, elle s'envoyait le cheveu en l'air. Si le petit bambino recevait un cheveu, il tombait par terre sans connaissance, il tombait sa serviette. Fallait mettre ça au lavage. Non, mais c'est ça le sens de la partie errante. Lâcher son flou sous une risibilité réduite, c'est comme rire devant un miroir qui ne réfléchit pas. Mais ce serait beaucoup mieux de dire devant un miroir qui ne réfléchit plus. On enlève le pas et on inclut le plus. Je le déchire. Oui. Je l'avais chiffonné, madame, mais je vais retirer tout ça parce que je veux placer ça sur mon Facebook. J'ai un Facebook, moi. Je suis actuel, moi. Je suis pas de l'ancien temps. Quoique, au début, je pensais qu'il fallait mettre ça sur le gramophone. Hein? Mettre des messages sur le gramophone, puis ça allait paraître, je sais pas, là, dans le ciel, dans l'interstellaire. Georges Belair. Donc, j'en ai mis des phrases sur mon phone. Pas phone, biphone, biphone. Biphone. Biphone, biphone, and biphone. Gramophone, gramophone. Là, ils m'ont dit, c'est pas un gramophone, c'est un iPhone. Oh, mon Dieu, c'est la même affaire, ça, là. Hey, mets ça dans la poche, le gramophone. C'est lourd pour la poche. J'ai toujours des problèmes de prostate, moi, le prospate. Prostate. C'est pas prescrit d'avoir une prostate avec le gramophone dans la poche. Eh, monsieur. Quoi que c'est pratique pour écouter un bolduc. Tu crains ton gramophone là, en faisant ton marché, il y a le monde, hein? Ça swing, ça achète davantage. On devrait me louer, moi, là, pour faire du divertissement. Qui dit divertissement? Dit aussi, non, mais il y a des gens qui ont réfléchi à ça. Qui dit divertissement? Dit aussi. Ben, dit pas aussi, là, mais dit également. Et monsieur, hey, on a le public à soi. On ne choisit pas ce public-là, là. Ça vient tout seul, là. Ça écoute la radio. Ah, oh, mon Dieu, c'est ça, c'est prions à l'église. Ah, oh, mon Dieu, Seigneur. Oh, non, non. Ils n'ont pas toutes leurs cartes de membres. Oh, monsieur, il y en a qui ont passé tout droit. Ça me demande trois questions pour devenir membre de CQRL. Aimez-vous CQRL? Connaissez-vous CQRL? Qui est CQRL? Trois questions fondamentales. Pas compliqué, fondamental. Ça vient des racines. C'est fondateur. Bon. Puis combien d'années, CQRL? Oh, encore. Hey, attends, ça c'est une colle. Où se situe CQRL? Ça, c'est compliqué. Là. Où se situe CQRL? Bon, si tu dis sur la planète Terre, c'est bon. C'est comme, on l'accepte-tu, monsieur? Faudrait que j'en parle à mon producteur. Producteur? C'est vaste, mais c'est bon. Hein? C'est quand même pas sur la... OK, bon, ben, il applaudit. Il est quand même ému. Il est tombé en bas de sa chaise. Commotion cérébrale. Puis on va envoyer l'ambulance, mais on va y mettre la... Placez-y la... qu'on vient de mettre dans la chocheuse. Parce qu'après l'avoir lavé, là, ces petites serviettes-là, faut pas oublier de mettre ça dans la chocheuse. Si on oublie ça, qu'est-ce que ça fait? Ça pourrisse. Et quand ça pourrisse, ben, ça pue. On est obligé de la laver, puis ça use. Puis plus ça use, puis moins c'est intéressant, parce que ça absorbe pas. Faut que ça absorbe à un moment donné. Sinon, hein, ça sert à quoi de se mouiller et de s'essuyer avec rien? Pas fou. Quoique, un petit peu. Ça aide un peu la folie. Ensuite de ça, madame. Ah oui, hey, le musée du Mouve, l'endroit où ça bouge dans la stagnation. Ma planète ne nettoie plus la saleté de mes ancêtres sous la grève. Elle persiste. La nouvelle génération comprend la situation, car elle aussi, elle perpétue la désintégration. Oh, la désintégration. Je ne te parle pas de payer. Non, je ne te parle pas de payer. Je te parle de les embarquer dans ton taxi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, là? Tu fonctionnes par code, toi, là? T'es-tu un morse? On n'a rien compris, là. Je ne te parle pas de payer. Je te parle de les embarquer dans ton taxi. Embarquer qui? Dans quel taxi? Ça, là, même si t'as pas de référence, rapidement. Oh, c'est l'heure où je deviens un chat, moi. Un tigre. Les ongles. pas des un tigre a pas des ongles, c'est quoi? C'est des crocs? Des... oh, des crocs au niveau des pattes. Champion, là, t'es vraiment en biologie, là. T'étais où hein, quand il y a eu des cours de biologie? C'est des griffes. Des griffes. Pas des, comme à la guitare, là. Je vais te faire un griffe, moi, putain. La griffe, moi, le syndicat, moi, regarde. J'ai le droit d'être assis syndicat. Si t'es pas content, là, mon syndicat va aller te voir. Puis je te dis que tu verras plus grand-chose quand tu vas avoir deux yeux bleus, là. Ce sera pas comme le soleil, là. Parce que le soleil, c'est pas bleu. Ben, moi, être syndicat, j'étais intelligent, moi, là. Ben, je paye, là, pas pour être intelligent, pour être syndiqué. Là. Mais qu'est-ce que ça prend pour être syndiqué? Des employés? Et surtout, des patrons honnêtes qui veulent garder leur argent. On va leur en chercher, nous autres, dans leur poche. Ils feront pas des voyages de 3 semaines à Acapulco. 3 jours maximum. Nous autres, on va aller 2 semaines et demie. Si ça va avec un poulet 3 jours, c'est grâce à nous autres, alors on mérite les 10 jours là-bas avec un poulet cause. Syndicat. Go, go, syndicat. Go, go. Go, go, syndicat. Go, go. Go, go, syndicat. Parce que quand t'entends pas de syndicat, t'es obligé de travailler. Ça. Je comprends jusqu'au rebord du savoir. Le test ne résume rien. Il ne dresse que le profil et non pas la face cachée de la vérité. Bon, d'où êtes-vous, mine? Hein? Êtes-vous moineau? Ben ouais, ben écoutez, madame. Je ne suis pas moineau, je suis messager. J'ai longtemps prié, histoire de contempler mon nombril. Et à travers ce nombril, je me suis rendu compte qu'il y avait un noyau. Et si je dévissais le noyau, les deux bras me tombaient. Fait que je laissais le noyau là, quoique je me suis dit que si la pomme, Adam et Ève, la pomme, si on a enlevé la pomme, c'est pour ça que les deux bras d'Adam se sont désarticulés. Déstructuré, démangé, démembré, ont cherché à voir le sol, à embrasser, là, c'est pas à voir, à embrasser le sol, comme le pape Jean-Paul II. Il n'y a plus personne embrassé. Il n'y a plus un pape qui embrasse le sol. Comment ça? On leur a dit, hey, arrêtez, ça, c'est tellement pollué, man, c'est pas... Man. Hey, on dit au pape, man, c'est quand même incroyable. Pape, man. Pape, man. Pape, man. Pape, man. Pape, man. Hey, man, embrasse pas le sol. C'est plein de cochonneries. Les mingots de cigarettes, Gainsbourg est passé par là, ça a craché, ça vaut, monsieur. Je lui défonce l'intérêt sans capitaliser. Déflorer la réalité pour prendre en pleine face l'urbanité. Qu'est-ce qu'il y a derrière la morte? Des amours déçus, des saveurs amères, des os asséchés, à trop chercher le bonheur illusoire, même si ce soir, les mots redonnent la motivation au sens, sans chercher la réanimation, la question reste posée. Ça, c'est un petit côté Fabrice Lechine. Je suis un vampire. J'adore le sang du raisin. C'est Gérard Depardieu qui m'a appelé. Moi, Rénal. Rénal? Allô, Rénal? C'est Gérard Depardieu. Hey, je t'appelle de Russie, moi, là, mon petit gros. Moi, je suis pas un gros, moi, je suis un gigantesque. Moi, je suis un armoire à glace. La bonne glace. Oh, mon Dieu, sur du pain. La baguette, parce que on a fait du bon pour la grosse baguette. Hein? Que l'on sait. Allô? Gérard? La ligne a coupé? C'est-tu la ligne ou c'est lui qui a ton... A-t-il ton... pouvez-vous vérifier par terre? Jonge-t-il? Mon Dieu, Seigneur, il est faible, il mange plus, là. Mangez-vous du raisin, monsieur Bétard-Benarquin? Dieu? M'entendez-vous, Dieu? Même lui m'entend. Mon Dieu, Seigneur, hey, tout le monde est débranché, là. Auditeur, m'entendez-vous? Auditeur, teur. Regarde l'heure. Oh, c'est comme le petit... c'est-tu Camerio? Manerio avec ça? Oh, c'est beau, ça. Oh non, c'est l'autre. T'es-tu mon papa, ça? Venu te voir, soir. Je l'ai dit, si. Pardon? Ouais. On retombe en désenfance. Moi, j'apprends... J'ai dit à quelqu'un hier... Apprends à désapprendre ton enfance. Il est branché là-dessus. Là. Mon père, oui, ton père. Hey, t'as 45 ans. Mon armoire à glace, lâche-le. Vis ta vie. Laisse-le délirer, lui, là. Il va m'enchouiller ses lunettes. Après ça, il va manger de la papamane. Il va s'arrêter. Là. 3-4 papamanes, ça gèle la gorge. Ah, mais il va plus t'appeler. Il va plus rien faire. Ah. Il restera de glace. L'autre m'en parle tout le temps. Depuis un an et demi, je lui rappelle constamment, lâche-le, lâche prise. Sinon, on va te couper l'hydro, tu vas voir que t'auras plus d'électricité, il n'y aura plus rien, il va faire noir. Dépression, bon, constellation, hein? Pardon? Ben, c'est ça. Écoutez, cherchez pas, il n'y a rien à trouver. C'est ça. Bon. Voilà. Bravo. On y va. C'est parti. Hey, je me gratte le front comme Columbus. Il manque juste l'impair. Parce que avec moi, un impair, c'est super. Ah, monsieur. Gris, comme le temps. Non, lui, c'est beige. Hein? C'est pas gris, c'est beige. Si vous avez pas de couleur, noir et blanc, ça peut être gris. Mais quand vous avez la couleur, surtout en HD, vous remarquerez. Marquez. Vous marquez sur une feuille, là, la couleur de l'impair de Colombo. Dites-moi pas rouge, là, sinon on va vous dire réajustez vos couleurs, tournez votre télévision, c'est du HD, ça, là, c'est des fibres optiques. On rit plus avec ça, là, c'est pas du câble flou, là. C'est de la précision. Tu vois même... Hey, ça, là, c'est quand même gênant pour les dames et les messieurs qui font de la TV. Il y a un petit problème, là, un petit bouton. Ben beau mettre de la cassonade là-dessus, du sel, puis brûler ça avec la torche. Il reste que ça se voit quand même. C'est du HD. Puis là, t'entends plus le discours, tu regardes le bouton, tu dis, oh, man, ça, quand ça va péter, ça va faire mal. Ça fait 2 semaines. Moi, je dis 2 semaines. 2 semaines et demie, toi, ma petite Gaétane. T'es-tu certaine? Bon, on va arrêter d'écouter ça, pour aller mener nos bouteilles vides. Hein? On va aller faire des poubelles. On va aller s'amuser. Bon. Allez, on va faire une petite marche. On va ramasser des vidanges pour emmener ça à l'épicerie. Ils vont acheter nos vidanges. Ben, c'est pas des vidanges, quoi. C'est des bouteilles. Ben, des bouteilles, c'est ça. Bon. Ça pue. Il y a des moutons. Il y a des mouches. Des mouches à feu. Des mouches à coquerelle. Mais ils vont les prendre. Hein. Moi, je les paye, ces bouteilles-là. Hein? Que les gens jettent de la cendre, des mégots, que leurs petits chiens s'évadent. S'évadent la vésicule miliaire là-dessus. C'est pas important, là. Que ça. Qui pue, qui glisse, ils vont les reprendre. C'est écrit 10 cents, ça vaut 10 cents, c'est écrit 5 cents, ça vaut 5 cents, 20 cents. Bon. Je vais me payer un petit voyage, moi, là. Je suis rendu à 1,5 piastres, là. Je risque d'aller à Lévis bientôt, là. Dans le sud. Enfin, c'est dans le sud. C'est combien un billet pour aller à Lévis? Toi, mon intelligent, toi, c'est 3,25. Toi, 50, prendre le bateau. Au pire, on ira en nage avec nos bouteilles. Ils prennent ça là-bas. Non, ils sont évolués, ils ont arrêté ça. Tant mieux. Bon, du Seigneur, la bouteille. On est une. Hein, je l'ai toujours dit, on est une société de bouteilles, mais on a liquidé les scènes, les sous-noirs. Là, il faudrait que le gouvernement se penche. Et qu'il ne se redresse plus. Tout le monde courbé, hein? Oh, ça ressemble à notre société. Croche, tout à fait croche. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la gamique, on va en cacher des affaires. Oh, on ne dira pas tout. On nous dit tout, on nous cache. Oui, on nous dit tout, on nous dit rien. Plus on sait tout, plus on ne sait rien. C'est qui disait ça, non? Rembrandt. Ah, mon Dieu. T'es-tu certain, toi, là? Tu me fais dire Rembrandt? Pas le chanteur Rembrandt, là. Rembrandt Cousineau. Vivre en amour tous les jours, ça me doule tant de moments que l'on s'aime, que la vie se vit sur la terre sans frontières universellement. Évidemment, pour ce faire, il faudra du temps, se parler, se connaître beaucoup mieux qu'avant, car la terre sans frontières n'est un jeu d'enfant. Tout sera facile si demain sera facile. Si maman, allez-vous vider le micro après? Oui. Si maman, si. C'est épouvantable. J'ai les muqueux. Oui, c'est des allergies, c'est les muqueux. Tout coule en même temps. Évidemment, pour ce faire, il faudra du temps, se parler, se connaître beaucoup mieux qu'avant, car la terre sans frontières n'est un jeu d'enfant. Hein? OK, on arrête. Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, Mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. La semaine prochaine, ça risque d'être encore plus bouché, puisque plus la saison avance, plus les cloisons se constrictent au niveau des narines. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Reynald Le Néant Gagné. Oh, on va déplier la jambe, ça fait mal. Ça fait mal. À quoi bon faire cette émission? C'est vrai, hein? On rouille du niveau de la tubulaire. Je pensais pas d'arriver à ça dans ma vie, moi, là. Oh, rouillé! On s'imagine, c'est quand on est dans notre siège d'embonpoint, avec notre embonpoint tout court, hein? Tout est embonpoint. Le siège est pas très confortable. La bedaine n'est pas trop confortable. Les reins pour accueillir tout ça. Ah, mon Dieu, les genoux se dévissent, puis le coude se dévisse. Ah, non, mais le coude va bien, hein? Il est bien huilé. On l'a pratiqué pendant toute notre vie. On lève le coude. On lève le... Hein, pardon? Non, je parle de monsieur ici, là, au bar. C'est ça. Le bar du gouffre, exactement. À quoi bon faire cette émission si on ne sera pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Attention, faut commencer l'émission. C'est déjà commencé depuis 28 minutes. 28 minutes. Ça a passé comme du grain dans le poêle, hein? De la bûche dans le poêlon, puis le rossignol qui chantait. Oh, rossignol, chante, toi qui as le cœur gai, car le cœur sans frontières. Non, ça n'a rien à voir. Évidemment, pour ce faire. Hey, j'ai écouté une chanson de Claude Dubois hier, ça faisait longtemps. Pas comme des millions de. Comme des millions, c'est pas celle-là. Un genre de reggae, là. C'est pas Fanawanan Pip. Non, c'est pas celle-là. C'est pas non plus J'ai du succès. Non, c'est pas. Hey, celle-là, je l'aime. Ah, oh, je la chante. Hey, ça fait comme un mois et demi que je l'ai pas chanté. On garde ça pour l'autre émission. Ah, oh, mon lolo. J'aurais voulu être. Je me sens habité par Claude Dubois, là. Attention, Facebook. J'aurais voulu être un artiste pour tous les jours changer de peau et pour pouvoir me trouver beau dans un grand écart. Hein? Un grand écart? Oh mon Dieu! Comme la banana split. Avec bien du chocolat. Avec bien du chocolat. Ça me donne des boutons. Attention. Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Dit-il en jouant après le micro. Mais oui, mais il descend tout le temps. Il est comme mon moral. Ça monte pas, ça descend. Au moins, il y a juste ça qui descend. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Nous défricherons les chemins... arrête de manger le micro. Nous défricherons... Voyons donc, oui. On recommence. C'est qui tient toujours genre? Ah, ouais, c'est Brian Adams, hein? Toujours le micro plus haut pour avoir le gorgeon en haut, là. Hey! L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Mais Robert Charlebois, lui, se met le nez sur le micro. Il se pose le nez. Il est tellement lourd, là. Ben, merde. Ordinaire. J'ai pas le goût de rien faire. Je prends de ma pote, boire le bière avec le gros Pierre. Il faut que je monte à ma carrière. C'est vrai, essayez de mettre le... Si vous avez un micro, achetez-vous un micro. 150-200 piastres, les sure. C'est sure que c'est bon. Et placez-vous le nez là-dessus, en dessous de ça. Ah, au-dessus, pas en dessous, en au-dessus. Parce qu'en dessous, là, c'est... La voix est en bas. Fait que... Faudrait que... Hein? Mais si vous dévissez le nez, mettez-vous à l'envers, là, si vous êtes capable de faire la chandelle. Mais brûlez pas la chandelle par les deux bouts. Hein? Comprends pas? Bon, OK. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant engagé, Reynald Lenéant, gagné. Aujourd'hui, le vendredi 12 juin 2015, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de l'artiste Camille Solal. Camille Solal se veut comédienne et thérapeute. Née à Toul en un 14 août. Oui, monsieur, un 14 août à la Lorraine. Ah oui, à la Lorraine. À la Lorraine, au vent de mai, il y a tant de fleurs. C'est magnifique, la Lorraine. Dans Camille. Camille à la Lorraine. Camille à la Lorraine. Passe son adolescence à l'île de la Réunion. En 95, elle atterrit en classe préparatoire à l'École nationale supérieure au lycée Jensen de Sailly dans le 16e arrondissement de Paris, puis au lycée Chaptal dans le 17e sous le regard bienveillant d'Alain Decaux. C'est en novembre 2002, sur le tournage d'un téléfilm japonais, la rencontre se fait avec Denis Bardiot, Le Monde de Martyr et aussi Trekking Sauvage. Le coach est le début d'une aventure, un one-woman show, Soyez pas en retard. Ça, c'est le titre du One Woman, en tout cas, la femme qui fait des spectacles, qui évoluera pour devenir comédienne. C'est pas un métier, ça, c'est un autre One Woman Show. One Woman Show. Avec, bien sûr, son ami Romaric Poiré. Et le reste, elle va nous le raconter, puisqu'en juillet 2014, l'errance rénaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cette femme, cette fille émancipée et bien, bien dans sa peau. La preuve. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. No! State of mind, fuck you with the rhymes, I'm positively inclined. And the tailor of the wax got the tracks, that's refined. One of a kind, sit back and recline. Yo, it's the WA, X to the tailor. Combined with the crew that brought you cosmic flavor. State of mind, and we came to invade ya. Save for the raiders of mics across faders on a waiter. The neighboring nation craving the taste of this great innovation. Pain termination with the brain stimulation and raising the stakes with a naked sensation. It's inspiration, like the wax on the table. Insulation, it was wrapped round a cable. Intonation, treble bassin. Devil chaser with the rebel nation. Heavy crates and the rhyme books near me. Mind's gone weary but the lines come clearly. Einstein's theory, answer to your queries. We equal MC squared, can you hear me? A state of mind, funky with the rhymes, I'm positively inclined. And the tailor of the wax got the tracks, that's refined. One of a kind, sit back and recline. Sit back and recline. And I'm the G-R-E, E to the N. Me with the pen, B for beats and lines to increase them. And soul's been sold. Slow your roll, don't fold your